Et donc, après cette petite virgule, comme on appelle ça chez les professionnels, hein, une espèce de petite interlude là, on revient à nos moutons. Il s'agit de Titison Kela. Ça, c'est le titre du morceau. Et puis, ben, Musty Lighton, on fait maintenant dans la musique contemporaine. Ah oui, on revient aux choses bizarres, évidemment. Une émission direct live from the Alsace sans musique bizarre, ce ne serait pas vraiment direct live from the Alsace. Donc ça date de quand? De 2007, quelque chose comme ça. Sous licence Creative Commons by 2.5, comme d'habitude. Et évidemment, il y a un lien. Il y aura un, je vais vous donner aussi les liens pour télécharger le morceau de façon isolée pour les amateurs. Hein. Sinon, bah, rien de spécial à en dire, plutôt on va écouter, c'est plus intéressant à écouter que d'en parler. Thank you.

Johan, och så får var och en liten nektargal göra det så roligt för sig ikväll som var och en liten nektargal kan. Och ni som har sommarläger och annat trevligt framför er, ni kan ha det riktigt skönt. Tack för idag och trevlig midsommar. God afton. Et ça se termine sur les gentilles petites souris, Titison Kella du groupe Musty Lighton, musique contemporaine, oui, c'est un groupe finlandais qui fait ça. Et fallait aussi que je signale une chose, c'est que l'enregistrement que vous avez entendu ici, ça paraissait être en stéréo, mais ça c'est une petite manipulation spéciale Radio Dogmazique. L'enregistrement normal est en mono, fallait le préciser puisque c'est une modification. Et on reste avec Musty Lighton qui a également fait, donc on va prendre quelque chose de plus ancien, ça date de 2003, de l'album Avarus Vuodet. On est dans l'ambient avec Grand Prix, évidemment toujours sous cette même licence Creative Commons by 2.5. Musty Lighton, un grand prix d'ailleurs qu'il mériterait bien pour ce morceau ambient ou industrial. Oui, la géolocalisation musicologique, ce n'est toujours pas mon fort. Et donc, pour vous signaler que maintenant, les deux premières parties de l'émission sont déjà en ligne. La troisième partie ne devrait plus tarder pour ceux qui auraient loupé, qui auraient raté le début. Sur le chat, toujours personne, à part quelqu'un qui finalement m'a dit qu'il n'écoutait pas, donc il ne peut pas écouter. Donc c'est résultat. Je n'ai pas beaucoup de réactions là sur le programme pendant le direct. La suite, L'ange et son ombre, c'est le nom de l'artiste, c'est aussi le nom de l'album. Ce n'est pas le titre de la chanson. La chanson, c'est toute empreinte à son revers. Donc, par exemple, s'il y a de la neige, là, quand le matin vous partez au travail, vous voyez dans la neige des traces de pas d'un ours, normalement, vous devriez trouver quelque chose en dessous en retournant la neige, non ? C'est comme ça que ça marche. Bon, c'est pas grave. Sous licence IANG. Ah, je vois que j'ai un truc à corriger là au niveau du lien. Vers la licence, j'ai oublié de le mettre sur la page qui est fournie avec le peer-to-peer, donc ça va peut-être un petit peu retarder la mise en ligne sur Emule et sur Vuse, mais en tout cas, bon, ça ne nous empêche pas d'écouter le morceau directement, donc sous licence IANG. L'Ange et son ombre est sous le label Autoragie, le même label que Vevalt par exemple. Et donc, de la musique ambiante, c'est un petit peu normal. Donc, vous trouvez ça également sur dogmazic.net/l'ange, L-A-N-G-E, collé, comme le l'ange, ensuite un tiret, celui qui a sous le 8, là, le souligné, et tiret, S-O-N, tiret, enfin le tiret sous le 8, le souligné, ombre, comme une ombre. Et sinon, vous aurez le lien également sur le forum ou bien donc sur la page HTML qui est fournie avec, l'enregistrement, tout simplement. Thank you. Et c'est sur l'ange et son ombre, qui nous interprétait toute empreinte à son revers, que se termine ce direct live from the Hellzass du samedi 3 janvier 2009 sur Radio Dogmazik. Radio Dogmazik, et donc vous allez retrouver donc juste après ça la sélection musicale de l'équipe qui a concocté donc un programme avec différents morceaux de l'archive. Alors je rappelle aussi que cette émission est diffusée sous licence Creative Commons by NCND 2.0 France. Vous pouvez donc la télécharger, la réutiliser, la dupliquer autant que vous voulez, à autant d'exemplaires que vous voulez, à condition de ne pas en faire de profit et de ne pas la modifier. Des licences, des conditions différentes s'appliquent aux morceaux de musique lorsqu'ils sont pris isolément. Les licences sont d'ailleurs précisées. Et si vous avez donc téléchargé cette émission par le peer-to-peer accompagné d'une page HTML, bien vous avez donc toutes les infos sur les autorisations que vous donnent ces licences qui soit sont les mêmes que cette émission, soit, bon à part peut-être pour James Muller, et ou alors éventuellement ça peut être même un peu plus permissif. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit selon le fuseau horaire et le moment où vous écoutez cette émission. Et je vous laisse encore en compagnie 2 minutes de ce remix là de la rubrique trituré, mélangé, servé avec l'aspirateur traîneau du père Fouettard, donc remixé par Radio Dogmazik d'après Acid New Year de Coconutsu Records, c'est-à-dire de Décaèdre.